Troisième temps donc de notre série sur le patrimoine et son histoire. Aujourd'hui, le débat. Après avoir évoqué lundi le patrimoine cinématographique avec Natacha Laurent, puis hier avoir analysé les usages imaginaires entre Europe et Japon de l'héritage grec et romain, et avant demain de nous rapprocher du patrimoine industriel à Dunkerque avec le documentaire d'Anaïs Quin et d'Anne Fleury, nous allons nous poser ce matin une question très simple. Que veut dire conserver? Comment se sont établis dans différents pays des politiques de conservation du patrimoine? Que signifie restaurer? Dans quel état doit-on restituer un monument, comme par exemple Notre-Dame de Paris dont on parle depuis un peu plus d'un mois, un tableau conservé dans un musée ou encore un parc naturel? C'est ce que nous allons voir avec Anaïs Quin de la Fabrique de l'Histoire, qui va co-animer cette émission avec moi, et avec Dominique Poulot. Il est historien, professeur à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire du patrimoine et des musées, auteur de Musées en Europe à la documentation française et d'une histoire du patrimoine en Occident aux presses universitaires de France. Lorraine Maillot est également avec nous. Elle est conservatrice générale du patrimoine, responsable du département restauration du C2RMF, c'est-à-dire le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Et Guillaume Blanc est également avec nous. Il est maître de conférence à l'université Rennes 2, auteur d'une thèse sur les parcs nationaux du Canada, de France et d'Éthiopie, et qui s'intitule « L'histoire environnementale de la nation » publiée aux éditions de la Sorbonne. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour à vous Lorraine Maillot, merci d'être avec nous. Mm-hmm. Bonjour à vous Guillaume Blanc. Bonjour. Et bonjour à vous Dominique Poulot. Bonjour. Alors, si on se pose cette question toute simple de ce que conserver signifie, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps dans l'histoire du patrimoine, vous qui êtes historien des musées, historien de cette notion de patrimoine en Occident. On peut dire, oui, qu'on se la pose depuis très longtemps. Si on prend le cas mythique de la barque de Thésée, dont il fallait remplacer les planches pour qu'elle soit toujours la même, bien sûr, on s'est toujours préoccupé, finalement, de conserver. Après, la question est de savoir qu'est-ce qui vaut d'être conservé, qu'est-ce qui est important, et comment on le fait, et selon quelles pratiques, selon quelles institutions. Et ça, c'est toute une histoire de plusieurs siècles. Et en attendant la monumentale, je crois, histoire mondiale des musées que nous a promis depuis un certain temps Christophe Pomian, qui devrait sortir pour le premier tome à la rentrée prochaine, on peut dire que de toute façon, il y a des visions différentes de la conservation du musée, et que ces musées que l'on fait remonter généralement à la fin du XVIIIe siècle, et en particulier à la Révolution française avec le Muséum National, dirigé ensuite par Vivant Denon, eh bien, il y en a de différents types, et qu'ils conservent de façon différente depuis plus longtemps parfois des objets qui sont l'objet de la vénération des populations. Dominique Poulot. Oui, bien sûr, il y a disons deux traits principaux dans l'histoire des premiers musées. Il y a le modèle British Museum, je dirais, et puis qui est un musée universel où les œuvres d'art ne constituent pas le cœur de l'affaire. Et puis un modèle Louvre, mais qui était antérieurement celui d'un certain nombre de collections publiques italiennes, qui sont des collections d'œuvres d'art. Donc on a certainement deux traditions, et au fond, si on veut poursuivre le fil, on peut dire qu'aujourd'hui encore, il y a deux traditions muséologique, si on emploie ce terme un peu compliqué, à savoir la France, l'Italie, l'Espagne d'un côté, et puis le monde anglophone, disons, de l'autre, et que les deux ont des traditions, des types de musées modèles très, très différents, finalement. Et puis, alors, conserver, Lorraine Maillot, ça signifie aussi parfois devoir restaurer, puisque toutes les œuvres ne sont pas dans l'état nécessaire pour être montrées à un public, par exemple. Et donc, il y a un autre volet, pourrait-on dire, à cette question de la conservation, qui est la question de la restauration, qui va être centrale dans notre débat d'aujourd'hui. Certes, la question de la restauration a même tendance un peu à occulter, je dirais, parce qu'elle fascine par les évolutions et les différences qu'elle montre sur les images mentales que nous avons des œuvres. mais elle est indissociable de la compréhension, de l'étude et de la conservation. Et donc ça signifie que ces deux fonctions, conserver d'un côté et restaurer de l'autre, ont été parallèles, ou est-ce que l'une a succédé à l'autre, elles s'enchevêtrent nécessairement ? Alors je pense qu'on peut considérer qu'elles s'enchevêtrent, et l'exemple qu'a donné Dominique Poulot sur la barque de Thésée le démontre, c'est-à-dire que adapter un objet montre bien qu'on veut le maintenir dans son usage, et que la question de la restauration, maintenant on a travaillé sur la terminologie. On définit mieux les notions de conservation, restauration, conservation curative, on pourra y revenir, conservation préventive, restauration, tout ça c'est un vocabulaire qui s'est affiné et qui permet de passer de l'un à l'autre plus explicitement. Et puis Guillaume Blanc, il n'y a pas que les musées, il n'y a pas que les monuments comme Notre-Dame, il y a aussi les espaces naturels sur lesquels vous avez travaillé pour votre thèse, donc sont des espaces de conservation, mais qui posent des questions différentes, puisque ce sont des espaces dans lesquels vivent des animaux, des espèces végétales, mais aussi des hommes. Et donc, qu'en fait-on? Comment fait-on? Ces questions se sont posées plus tardivement, peut-être, que pour les musées traditionnels. Oui, en effet, la question s'est posée un petit peu plus tard, surtout dans le cas français, mais disons que les premiers parcs nationaux donc apparaissent aux États-Unis en 1872 avec Yellowstone. Mais cela dit, la nature, en fait, offre, un biais pour questionner le patrimoine, peut-être encore plus explicite, tant on voit à quel point dans la nature on sélectionne, c'est un tri sélectif du passé, conduit en fonction de critères contemporains. Est-ce qu'on décide de réintroduire X espèces qui existaient au XVe siècle ou pas? Par exemple, les castors dans les Cévennes, on a décidé de rétablir l'équilibre écologique puisqu'ils avaient disparu au XVe siècle. Mais donc, pourquoi le 15e siècle? Donc il y a encore plus que dans le patrimoine, je pense, bâti, monumental. On voit à quel point c'est un tri sélectif du passé. Anaïs. Oui, et puis il y a une question d'usage dont vous parliez aussi, Lorraine Maillot, qui me paraît essentielle aussi dans ces espaces justement naturels, dans ces environnements, qui amènent forcément une intervention de l'homme. Et la question est cruciale lorsqu'on se propose de créer un parc national, de créer une réserve de conservation, justement. Que faire de l'homme et de sa geste dans le paysage, qui fait partie de l'histoire du paysage? Mais conserver un paysage, ça veut dire effacer l'histoire humaine de cet espace naturel qui n'en est plus tout à fait un. Voilà, oui, c'est ça. Alors, je dirais peut-être pas effacer l'histoire humaine, mais en tout cas la figer. Donner aux hommes. Ou en tout cas faire disparaître éventuellement l'homme pour certains exemples canadiens. Ah voilà, alors au Canada. Et exclure et l'homme de ces espaces. Voilà, de conservation. Exactement. Dans beaucoup de parcs aux États-Unis, au Canada et aujourd'hui encore en Afrique, il s'agit d'exclure les hommes, donc de les expulser, tout simplement, et ensuite de renaturaliser finalement les territoires mis en parc. Donc, on a avec vraiment le paradoxe de la renaturalisation, voilà. geste humain par excellence. Oui, ce qui nous amène à la conclusion toujours un petit peu paradoxale de se dire que finalement, il n'y a quasiment rien de naturel dans ce qu'on appelle la nature. Oui, parce que effectivement, Dominique Poulot, il y a des politiques de conservation. Ces politiques sont différentes selon les cultures, d'une certaine façon. C'est-à-dire que on n'imagine pas de conserver de la même manière des parcs en Amérique du Nord, en Afrique, puisque Guillaume Blanc a travaillé aussi sur l'Éthiopie, en France. Mais c'est la même chose pour des œuvres d'art. Il faut, comme le disait Guillaume Blanc, faire un tri sélectif dans ce qui mérite d'être conservé et ce qui mérite de ne pas l'être. Et cela, c'est un long débat qui remonte justement au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Oui, il y a une sorte de mondialisation en fait de la conservation qui s'est jouée finalement assez tardivement. Si on prend le cas de l'Extrême-Orient et de la manière dont les monuments sont conservés, entre guillemets, c'est-à-dire effectivement des monuments de bois peuvent être reconstruits régulièrement, on a là une version qui est finalement entrée dans le corpus de la conservation mondiale avec des dates et des réunions, des grandes conférences, celles de Nara et d'autres. Mais finalement, on avait auparavant un modèle occidental occidental ou européocentré, si on veut, qui était celui sur lequel on vivait et qui établissait une norme. Et finalement, on s'est rendu compte que cette norme était relativement différente ailleurs, comme vous venez de le dire. Et donc, cette mondialisation des grandes organisations internationales, des conventions multiples, a abouti à une image beaucoup plus différenciée de la conservation, celle que nous avons aujourd'hui et qui n'était pas celle d'il y a 30 ou 40 ans. Oui, ça remonte à 30 ou 40 ans, c'est cette évolution récente que vous décrivez. Oui, je dirais, c'est une génération et demie à peu près qui a vu cette évolution, cette prise de conscience, disons, de la diversité. Anaïs Kien. Dominique Plou, vous parliez de mondialisation dans ce champ de la conservation. Il y a quand même quelque chose qui tente de définir et peut-être d'unifier, en tout cas en partie, même si ça n'est que parcellaire, ce qu'il faut faire pour conserver et les objets dignes de conservation. On a tout un tas de labels à l'échelle régionale, nationale, à l'échelle de régions du monde et à l'échelle mondiale même, si on pense à l'UNESCO. Et tous ces labels, évidemment, produisent toute une liste de critères qui définissent, mais chacune à leur façon, d'une certaine façon, ce qui doit être conservé et comment le faire. Dominique Poulos. Il y a une concurrence, d'une certaine façon, peut-être, dans ces définitions et dans les intérêts financiers à adhérer à tel ou tel label ou à tel ou tel critère de conservation. Oui, tout à fait. On a assisté à une superposition, un feuilletage de labels. Alors, en France, on connaît bien ça avec le millefeuille administratif. J'ai envie de dire qu'on pourrait utiliser la même expression, un millefeuille patrimonial. Ce millefeuille, effectivement, c'est une question d'échelle, locale, régionale, nationale, universelle, ou mondiale au moins. C'est aussi un feuilletage thématique, bien sûr. Les maisons des illustres, par exemple, peuvent être aussi des monuments historiques. Donc du coup, on a un musée peut-être inscrit dans un monument historique, bien sûr, ce qui pose généralement des problèmes muséographiques, etc. Et puis, il y a même une labellisation, si j'ose dire, des démarches d'études. Ainsi, il y a une revue qui s'appelle Savante, qui s'appelle Patrimoine du Sud, qui se consacre, comme son nom l'indique, à une forme de label patrimoine de l'Aude ou de l'Occitanie, pays Qatar, etc. Donc, c'est vrai que cette multiplication de labels peut être aussi contradictoire. C'est le cas bien connu de la chasse, enfin, et puis de la protection écologique dont on vient de parler, puisque le patrimoine des chasseurs est aussi une forme de patrimoine culturel immatériel. Oui, Guillaume Blanc, vous opinez du chef, parce que vous avez connu cette superposition pour tout un tas de cas d'espaces naturels dans le monde. Oui. Moi, mes recherches m'ont amené effectivement à travailler entre l'Amérique du Nord, la France et l'Afrique de l'Est, enfin, en Éthiopie. Et à propos de cette mondialisation, justement, dont parlait Dominique Poulos, je crois que cela questionne finalement la question de l'universalité. Puisque pour l'UNESCO, tous les biens classés à l'UNESCO ont une valeur dite universelle, exceptionnelle. Et finalement, ça soulève la question de l'universalité de traitement. Par exemple, les mausolées de Tombouctou, qui ont été détruits en 2012, la collecte de fonds a récolté 4 millions d'euros en 2 ans. Ça pose une question de l'universalité, disons, de la valeur, puisque dans la vieille Europe, disons, à 50% du patrimoine mondial de l'humanité, de la culture, il y a sur 800 sites culturels classés par l'UNESCO, 400 sont en Europe, dans la vieille Europe, 50 dans tout le continent africain. Donc il y a une universalité à questionner finalement dans cette notion patrimoniale mondiale. Et puis une incidence ou des incidences de ce classement d'universalité pour certaines régions qui, d'une certaine façon, lèse ceux qui la pratiquent au quotidien. Je pense notamment à un des parcs classés en Éthiopie sur lesquels vous avez travaillé dans le cadre de votre thèse, qui l'a non seulement amené à exclure les habitants, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi à interpréter ce territoire d'une manière totalement exogène aux usages et à l'histoire, peut-être même, j'ai envie de dire réelle, mais ça n'est pas évidemment pas le bon terme, mais l'histoire vécue l'histoire de proximité vécue par ceux qui en avaient l'usage dans les années qui précédaient simplement ce classement et cette prise en main par l'État de ce parc naturel. Oui, tout à fait. Là, on voit, même si l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, mais on voit finalement le poids du passé, puisque ces notions de patrimoine mondial ont été créées donc à la fin des années 60, et finalement ont été créées par des administrateurs coloniaux reconvertis en experts internationaux. Alors, ce n'est pas une critique, c'est un fait historique. Et aujourd'hui, ça soulève vraiment la question encore de, finalement, quel monde on protège, mais surtout par qui et pour qui. Puisque, dans le cas, par exemple, éthiopien, mais c'est le cas dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, sont généralement des institutions internationales qui définissent des normes, des institutions nationales qui les instrumentalisent. Pour créer un parc naturel, c'est généralement, disons, planter le drapeau dans un territoire que l'État peine à contrôler. Mais pour les populations locales, les populations qui vivent dans ce patrimoine, généralement, le patrimoine provient d'une définition essentiellement exogène. Et puis, il faut dire, Lorraine Maillot, qu'en un peu plus de deux siècles de constitution et de développement de musées, que ce soit à l'international ou au national, on a des populations qui se sont spécialisées, c'est-à-dire les conservateurs de musées, les conservateurs du patrimoine, dans la préservation, la conservation, les métiers qui vont avec. Et d'une certaine façon, on a un nombre d'experts qui ne sont pas simplement ces experts internationaux que décrivait Guillaume Blanc, ancien explorateur, ancien gouverneur coloniaux, transformé en experts du patrimoine mondial, mais on a un nombre d'experts considérables qui à son avis, qui ont leur avis à donner sur la conservation et la restauration des œuvres d'art. Alors, il est vrai que l'ensemble de la communauté s'est professionnalisée, de même que l'ensemble de la société française progresse dans le niveau des diplômes et des formations, et que aujourd'hui, je dirais que de même que la superposition des labels amène un certain paradoxe, parce que on peut dire que d'une certaine façon, on confisque l'accès en l'identifiant, on en retire l'usage facile et quotidien. La professionnalisation est un bienfait, mais en même temps pose la question de la possibilité de tout un chacun, comme les romantiques l'avaient développé notamment, de s'exprimer, de revendiquer, et on l'a bien vu dans l'exemple de Notre-Dame, tout le monde se sent capable de s'exprimer et a une volonté de réagir et de ne pas laisser ce domaine-là à quelques professionnels qu'ils soient. Et donc ça veut dire que plus il y a de professionnels, plus il y a une spécialisation, pourrait-on dire, de l'approche du patrimoine et de sa conservation, mais que l'élévation aussi du niveau des études dans des sociétés qui considèrent que ce patrimoine est important fait aussi que chacun des citoyens a son mot à dire sur la restauration en question. Cette expression est légitime. Chacun peut dire quelque chose. En revanche, la capacité à agir, il faut quand même prendre en compte les compétences et les connaissances des professionnels, qui ne sont pas si nombreux. Juste un petit chiffre très modeste, il y a à peu près 1500 restaurateurs en France. C'est infiniment peu. Donc voilà, c'est juste modulé. Anaïs Kien. Et vous regrettez, en tout cas vous semblez regretter, Lorraine Maillot, dans un de vos rapports que vous nous avez transmis, l'absence aussi d'une politique générale à l'échelle de la France. Je sors de l'espace monde pour revenir à une échelle peut-être plus simple à analyser ici. L'absence de politique générale, ou en tout cas de sa possibilité d'application, par la démultiplication des demandes de restauration en urgence. Et cette notion d'urgence-là, qui crée une politique de la conservation de l'à-coup que vous regrettez amèrement, semble-t-il, et qui freine, voire qui casse la possibilité de planifier, d'une certaine façon, l'entretien du patrimoine global, puisqu'on est à l'échelle française, disons, de la France. Eh bien, disons que ce que vous soulevez, ce que vous soulignez, est en fait un constat qui est partagé, qui est que l'on devrait limiter les interventions, et notamment les interventions d'urgence, si l'on était capable de préserver et d'avoir une action préventive inscrite dans le temps, qui donne les bonnes conditions aux objets d'être conservés, d'être présentés et d'être transmis aux générations futures, pour faire un peu classique. Cette politique-là, elle s'est développée récemment, parce qu'à l'échelle du temps, 20 ans, c'est récent. Et la conservation préventive en matière de musées et d'objets patrimoniaux, elle est relativement jeune. Donc c'est quelque chose qui est en train de se construire et qui a le mérite de mettre en place petit à petit des dispositifs qui ne touchent plus à l'œuvre directement, mais à son environnement et donnent les conditions, normalement, de conserver. Ce qui rend complexe cette question de la conservation du patrimoine, Dominique Poulot, c'est qu'il y entre des domaines, des raisons financières, bien évidemment, il faut avoir l'argent pour le faire, des raisons qui sont parfois des raisons politiques, puisqu'il faut montrer qu'on est capable de restaurer tel ou tel bâtiment, et autour de Notre-Dame, ça fait partie évidemment de ces questions-là, mais qu'il y a aussi un domaine qui est assez difficile à manier, c'est le domaine de l'émotion. L'œuvre d'art provoque des émotions, et cette œuvre, par exemple, eh bien, fait que chacun des citoyens peut considérer que cette œuvre lui appartient, pas simplement parce qu'elle appartient à un musée national ou à la nation, mais parce que, d'une certaine façon, il y a une liaison intime qui s'établit autour de cette question de l'œuvre d'art ou du monument historique. Oui, vous soulevez là toute une série de questions qui sont fondamentales, parce que pour rebondir sur ce que disait Guillaume Blanc tout à l'heure des coloniaux, en fait, je crois qu'il faut vraiment comprendre que même en dehors de la spécificité du domaine colonial, penser le patrimoine, c'est au fond, je dirais, penser une terre de mission, pour prendre cette fois un vocabulaire du missionnaire et pas du colonial. Terre de mission, ça veut dire que au fond, il y a cette idée, comme on l'a dit tout à l'heure, que les vrais participants, propriétaires, habitants du patrimoine, ce sont ceux qui vont nous succéder. C'est pour le futur. Hein, il y a toute une série de formules, des romantiques, bien sûr, et de Ruskin surtout, sur le fait que nous ne sommes pas les vrais propriétaires, ce sont les gens qui nous succéderont. Et donc, nous sommes en mission pour eux, en quelque sorte. Je vais tenter de montrer dans un papier que le nation de territoire de projet, par exemple, qui est un terme d'aménagement et de géographie, peut aussi s'appliquer à ces notions de patrimoine. Au fond, c'est un territoire de projet que de penser un patrimoine local. Et donc, c'est une banalité qu'il faut redire. On a certainement une forme d'épuisement de cette notion progressiste de faire le bonheur dans le futur, d'aménager le monde pour. Et on l'a remplacé par des notions de prévoyance, de précaution. Nous vivons dans cette littérature, si j'ose dire, et dans ces colloques qui ne cessent de nous appeler à prévoir le pire, finalement, essayer de l'éviter. Et donc, c'est, je pense, dans ce contexte, il faut comprendre cette notion d'émotion collective. Émotion patrimoniale aussi. D'émotion patrimoniale, comme le disait Daniel Fabre, il y a une dizaine d'années, et qui sont toutes liées à la perte. Perte du château de Lunéville. Mais du coup, les pertes sont devenues Versailles, totalement etc. intolérables. Oui, tout à fait. Même les pertes naturelles, entre guillemets. Façon. Ah, ça, c'est une autre. C'est une autre question. Je pense que les émotions patrimoniales sont quand même liées à de grands monuments, je dirais. Enfin, dans l'histoire récente de la France, elles ont été liées à de grandes destructions naturelles, s'il s'agisse d'incendies, d'inondations, de la chute des arbres de Versailles, etc. Donc. Guillaume Blanc, sur cette question qui est importante, effectivement, de cette tension entre volonté de conserver un territoire, de lui donner toute sa place en tant que conservatoire, justement, et puis la possibilité pour des États, pour des collectivités de les entretenir, ces lieux. Oui, je pense que la notion en fait d'émotion et de rapport au temps est vraiment central. Lorsque l'État français crée les parcs nationaux dans les années 60 en France, on commence par la Vanoise, c'est ça? Oui, la Vanoise. Le premier parc de la Vanoise en 63. Mmh. On est vraiment dans le moment où la France des paysans est en train de disparaître. Oui, c'est un peu comme Ferdinand Brunet, je crois, qui, à la Sorbonne, il y a, au tout début du 20e siècle, décide de faire les archives de la parole et d'aller enregistrer avec un phonographe la totalité, Ferdinand Brunet, d'aller enregistrer les accents qui sont en train de se perdre parce que l'unification de la langue fait qu'au bout du compte, on va perdre les accents locaux, etc., etc. Donc, cette dimension de la perte que décrivait Dominique Poulot est centrale. Exactement. C'est le besoin, on va dire, de conserver ce qui est sur le point de disparaître. Mais cela dit, cela pose la question, par exemple, les parcs nationaux en France, on conserve ce qu'on veut sauver finalement. C'est la France des petits villages, la France des hameaux, là où les lavoirs sont conservés, les fours à pain, les petits villages où on peut croiser à la fois des animaux à proximité. Une France qui dure finalement et une France qui rassure face au temps qui passe. Mais cela dit, la conséquence, c'est que par exemple, dans la plupart des parcs, les panneaux solaires sont interdits, car ce n'est pas conforme aux chartes paysagères des parcs. Donc on a une tension entre le temps idéalisé du passé et la valeur d'usage dont Laurent Maillot parlait, justement. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Traditionnel de Lozère, de Loury Batel par Tétras Lyr, ainsi que donc puisque nous sommes dans une série d'émissions consacrées à la question du patrimoine, et en particulier aujourd'hui nous nous intéressons à la façon de conserver donc cette question de la conservation. Est-ce que vous vous la posez collectivement, pourrait-on dire, Lorraine Maillot, c'est-à-dire est-ce que ce que dit Guillaume Blanc de la conservation des espaces naturels, ça peut pénétrer le milieu des conservateurs de musées? Est-ce que ce sont les mêmes questions que vous vous posez que pour une cathédrale en flammes ou juste éteinte ou un parc national, ainsi que pour les musées, les œuvres d'art que vous conservez dans les musées, Lorraine Maillot? Alors, pour être tout à fait franc, nous avons relativement peu d'échanges sur ces domaines. En revanche, c'est vrai que les préoccupations et les questions qui se posent, on essaye de les poser à cette échelle-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout question qu'un individu, une personne, décide dans son coin, que ce soit pour un objet, pour un musée, pour une collection. Comme cette paroissienne d'Espagne qui avait voulu refaire Exactement. Son petit Christ dans Donc, son coin. Ça, ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui complètement dépassées, périmées et moquées quand on les voit. Les procédures font que toutes les décisions se prennent collégialement entre les différents partenaires, et les questions qui sont posées, elles le sont en tenant compte du temps nécessaire à la compréhension, et c'est la raison pour laquelle le travail de mémoire, l'histoire matérielle des objets, l'histoire de la restauration sont devenus des éléments absolument constitutifs de la réflexion. De la réflexion, absolument. Anaïs Kien. Avec un élargissement pantagruélique, quasiment, de la nature même des objets sur lesquels vous travaillez. J'ai pris le sommaire de la revue Techné, qui est la revue du C2RMF. On parlait de la conservation des mousses de polyuréthane pour certaines œuvres d'art contemporaines, du désamiantage des collections industrielles d'un musée à La Réunion, d'un Christ en croix, en l'occurrence celui de Saint-Pierre de Nantes. Vous êtes amené à vous intéresser à des objets de taille, de dimension, de nature tout à fait diverses. Comment on s'adapte à ce genre de choses, sachant que notamment pour les mousses de polyuréthane, c'est simplement un exemple, hein, les matériaux utilisés parfois se dégradent à une vitesse très très très très rapide. Absolument. Et c'est vrai que les collections, les collections publiques d'une manière générale, et celles des musées de France en particulier, savent à peu près ce qui les attend quand elles ont des objets du 15e, 16e, 17e siècle. On en a l'expérience. Voilà. Et archéologique aussi. Mmh. En revanche, tous les objets d'art contemporain ou les objets, les biens culturels dans des matériaux produits industriellement, comme les matériaux plastiques, les peintures industrielles, la question de l'obsolescence technologiques sont des questions dont on commence à peine à se préoccuper. Oui, restaurer un Nam June Paik, par exemple, avec les télévisions de Nam June Paik dans les années 70, qu'en fait-on ? Et donc là, on déroge en quelque sorte à la déontologie classique et on est obligé d'inventer au fur et à mesure de nouvelles règles pour faire en sorte d'entretenir quand même ces objets et de permettre de continuer à les voir dans les collections. Dominique Poulot, par ailleurs, mais c'est vrai pour tout le domaine de la culture et bien d'autres domaines d'ailleurs, il y a aussi un fonctionnement par scandale qu'on peut regretter parfois, mais qui est toujours lié à cette idée, mais font-ils bien leur travail? Va-t-on bien restaurer? Comment restaurer tel monument ou telle œuvre d'art? Avec tout un tas d'intervenants qui sont extérieurs au milieu de la conservation qui interviennent, et donc à partir de ce moment-là, il y a une dimension scandaleuse à la restauration de l'œuvre d'art. On l'a vu pour des restaurations récentes, c'était le cas par exemple du Rotat d'Issenheim où il y a eu des débats, des discussions. Vous voulez intervenir, Lorraine Maillot, avant que Dominique Poulot réagisse? Allez-y, Dominique Poulot, sur ces questions-là. Donc effectivement, chacun s'en empare puisque c'est un patrimoine commun, mais avec des avis qui sont très divergents. Oui, je dirais que ça commence au 19e siècle, quand Ruskin commence à poser la question de Venise et de comment on restaure Venise devant l'opinion européenne. Mais à l'époque, évidemment, c'est un milieu d'élite, c'est un milieu d'hommes de lettres européens qui sont habitués au grand tour, je dirais, et qui dissertent à travers des pages de revues plus ou moins savantes. Et ce qui se joue, pour aller vite, c'est une forme de démocratisation, c'est-à-dire où chacun se sent propriétaire, si j'ose dire, de son propre patrimoine, ou du patrimoine le plus symbolique pour lui, de sa nation, de sa ville. Et surtout responsable. Oui, c'est même, on pourrait même dire, c'est ce que soutenait mon collègue Daniel Fabre, en anthropologue, que c'est même l'identité qui est en jeu. C'est une histoire à soi, comme disait. Voilà, c'est l'histoire à soi, comme il le disait, c'est-à-dire une espèce d'identification. Ce n'est plus à moi, c'est moi. Et donc, je défends ce qui est moi. Je défends mon identité. Et donc, c'est mon droit, si j'ose dire. C'est pas seulement celui du restaurateur labellisé. Alors après, il y a aussi un rôle pédagogique, je crois, que les restaurateurs sont amenés à jouer. De même que, dans les commandes publiques d'œuvres d'art contemporaines, par exemple, les nouveaux commanditaires, ce que font les nouveaux commanditaires, c'est qu'ils suggèrent à des collectivités qui voudraient édifier quelque chose de pas tout à fait satisfaisant, le nom d'un artiste contemporain qui leur ferait quelque chose entre guillemets de mieux, mais aussi qu'ils pourraient s'approprier. Donc je crois que c'est un peu on peut imaginer cette, en amont, vous voulez dire, en amont, voilà. Et au fond, là, c'est retrouver ce que disait Guizot, mais au seul profit des capacités lors du régime censitaire, c'est-à-dire qu'il fallait que l'État non pas ait une législation morale, comme il le disait, c'est-à-dire vraiment disent la valeur, mais influence sur un mode libéral, mais évidemment on est dans un tout autre contexte politique, mais enfin on peut reprendre cette idée d'influencer et d'amener peut-être les populations à changer légèrement ou plus ou moins il faudrait peut-être pour ça que la question de l'histoire de l'art soit posée très, très jeune dans nos propres écoles et que comme en Italie ou en Grèce, eh bien, on fasse visiter les musées très tôt, et en particulier on apprenne ce que c'est que l'art des prédécesseurs. Lorraine Maillot, vous voulez réagir? Compléter peut-être cet aspect d'appropriation et de réponse pour éviter les scandales éventuels liés aux restaurations, une des meilleures réponses, c'est de prévenir, encore une fois, les choses, en associant, en informant, non pas en associant matériellement, mais en informant, en expliquant, en faisant de la pédagogie. Comme la restauration en public, par exemple, fait partie de cela ou pas? Ça, je dirais que c'est le côté un petit peu démagogique dans certains cas, mais en tout cas, l'explication, la justification par un argumentaire qui est compréhensible de tous, peut déminer, et c'est pas juste déminer, c'est vraiment permettre à tout un chacun de comprendre le bien fondé des choix et qui sont faits, et du coup, effectivement, qu'il y ait un vrai partage. Mmh. Guillaume Blanc c'est vrai que je suis plus spécialiste de la nature, mais là où je crois qu'il y a le véritable problème se situe entre quelle différence y a-t-il entre la pédagogie, sensibiliser, et réellement partager ce qu'est le patrimoine. Car généralement, sensibiliser, c'est sensibiliser sur la valeur qui est définie par celles et ceux qui ont décidé de patrimonialiser. Si, et même si les efforts sont faits, mais sont toujours à faire, si on demande aux acteurs très locaux, à ceux qui vivent surtout dans le patrimoine, ce que signifie pour eux ce patrimoine, je pense qu'on s'aperçoit généralement que la valeur est bien différente. Mmh. En disant qu'entre ceux qui veulent sauver le patrimoine et ceux qui vivent dans le patrimoine, il y a une différence de valeur tension. Et finalement de tension à gérer en permanence, une négociation finalement. Anaïs. Oui, vous parliez de circulation et de partage. Alors peut-être dans une autre interprétation, mais Lorraine Maillot, il y a une très grande circulation des objets d'art aujourd'hui avec cette obligation des expositions temporaires. Finalement, on parle très peu souvent des expositions permanentes des musées, et il faut absolument faire de très grandes expositions qui circulent parfois dans le monde entier. Je pense à celle du British Museum sur les objets du monde entier. Une histoire du monde en 100 objets, je crois que c'était le titre de cette exposition, qui a fait plusieurs pays à travers le monde avec des objets de très grande valeur. Et cette circulation des objets, non seulement elle déterritorialise encore ces objets de patrimoine, mais elle inflige aussi aux objets une épreuve terrible, d'une certaine façon. Je vois que vous êtes tout à fait d'accord. Effectivement, ce n'est pas sans risque pour les œuvres. C'est sans doute une étape nécessaire et un besoin de faire circuler les objets. Il ne faut pas les confisquer. Encore une fois, je reviens sur ce terme. Et c'est sans doute cette volonté-là qui amène à les présenter de façon de plus en plus obligatoire et de faire des circuits. C'est le cas de Toutankhamon, par exemple. Exactement, je pensais à ça. Donc c'est vrai qu'il y a cette obligation qui est bien souvent aussi basée sur des motivations qui malheureusement n'ont pas grand-chose à voir avec la volonté de transmettre le patrimoine. Enfin, c'est quelque chose qui est un plein paradoxe. Vous dire que c'est plus souvent commercial qu'autre chose. Alors, il peut y avoir des raisons commerciales, des raisons politiques, idéologiques, tout ce qu'on veut. En l'occurrence, l'histoire du monde en son objet, il y avait une affirmation aussi, peut-être, alors qui n'était pas dite, mais j'interprète, mais à un moment où les demandes de restitution idéologique, a affirmé la compétence universelle du British Museum à conserver, à faire circuler, à partager ces objets. Guillaume Blanc, vous avez l'air de... Oui, c'est... Pour la nature, le paradoxe, je pense, est exactement le même, mais encore plus criant. Fermons un parc national, la nature est gagnante. Si on l'interdit, 2 millions de gens par an, 2 millions de visiteurs qui vont marcher sur un espace. Je crois que c'est le paradoxe, et les expositions qui circulent en sont un bon exemple. Le paradoxe, c'est que le patrimoine, finalement, n'est protégé, pour le jeu de mots, il n'est protégé que pour être consommé. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut consommer ce patrimoine? Oui, c'est la question du tourisme de masse et effectivement de la patrimonialisation mondiale dont vous parliez tout à l'heure, Dominique Poulot. Alors, cela dit, je me rappelle, alors ça c'est un souvenir personnel, c'était une réunion de l'ICOM à Rio de Janeiro et je tenais... L'Institution internationale des musées. Oui, le Conseil international des musées de l'UNESCO, enfin une ONG qui relève de l'UNESCO, et je tenais à peu près ce genre de propos, effectivement, en toute bonne conscience, en ajoutant que le fait d'avoir tous ces avions qui transportent des tas d'objets pour des expositions temporaires à travers le monde, ça consomme du carbone. Et les représentants d'Amérique latine, pour faire bref, m'ont répondu à ses vœux. Oui, c'est ça, en disant, mais vous voulez au fond conserver tout ça pour vous. Alors nous, on n'aurait pas le droit de voir dans des expositions temporaires ces merveilleux objets. Donc on se rend compte, c'est beaucoup plus compliqué quand même que de dire simplement, il y a toute une sociologie critique, dans la lignée de Bière pour Dieu d'ailleurs, qui a expliqué qu'effectivement, conserver du patrimoine, c'était servir un certain nombre d'intérêts politiques, pécuniaires, de propriétaires aussi, dans le cas du patrimoine bâti. Il n'en demeure pas moins que la mondialisation et ses effets, à côté des demandes de restitution, sont aussi des demandes de partage, pour faire simple, et à travers ce partage, des expositions temporaires circulantes. Alors, on a un exemple tout récent sous les yeux, malheureusement, c'est celui de Notre-Dame, en l'occurrence, qui ne peut pas se déplacer, bien évidemment, mais qui est un exemple intéressant de la politique à mener pour une restauration, Dominique Poulot, puisque la question de savoir dans quel état on doit remettre Notre-Dame, c'est une question qui se pose depuis maintenant un peu plus d'un mois. Je vous demande pas votre avis personnel, mais d'une certaine façon, chacun a plus ou moins son avis. Faut-il reconstituer la flèche qui, pourtant, ne date que du 19e siècle et a été construite par Viollet-le-Duc, qui ne correspond pas exactement à la flèche de Notre-Dame du 13e siècle? Faut-il garder le toit tel qu'il est? Faut-il reconstruire avec du chêne la charpente ou autre chose? Toutes ces questions sont des questions qui se posent pour un monument emblématique comme celui-ci, Dominique Poulot. Alors, et vont se poser pendant les années qui vont venir, puisqu'il va y avoir des commissions de spécialistes, des décisions politiques, etc., etc. Je crois que le premier constat qu'on peut faire, c'est que il y a eu un sondage pour demander effectivement aux Français, aux Parisiens, ce qu'ils pensaient de la restauration. Donc ça, je dirais que c'est un premier constat pour l'historien, c'est-à-dire le fait que la notion de conservation-restauration fasse l'objet d'un sondage, ce qui était tout à fait inhabituel et ce qui n'était pas imaginable, je pense, il y a eu deux générations, voire seulement une seule. Compris lorsqu'il y avait une collecte de fonds pour financer les opérations de conservation. Oui, c'est ça, parce qu'on collectait des fonds, mais c'était les experts qui étaient chargés du travail et d'imaginer ce qu'il fallait faire de l'argent. Là, on va bien au-delà. La réponse, comme vous le savez, majoritairement, c'est qu'il faut reconstituer Notre-Dame à l'identique, c'est-à-dire dans sa version Viollet-le-Duc, en gros, puisqu'elle était dans un état assez délabré. Avant Viollet-le-Duc. Avant Viollet-le-Duc. Mais Viollet-le-Duc est entré dans l'histoire, on le sait bien, et j'imagine mal, à vrai dire, une dérestauration de type toulousain. Enfin, lorsqu'on a décidé de dérestaurer pour re-restaurer autrement, ce qui a mécontenté en gros tout le monde, à savoir les partisans de Viollet-le-Duc, les adversaires. Bon, il se trouve que, on l'a dit, mais c'est une banalité, Notre-Dame est à la fois un monument religieux, un monument républicain, un monument mondialisé par le tourisme. C'est devenu une icône, un stéréotype d'une certaine manière, et par conséquent, lui imaginer une autre forme est éminemment problématique, à mon sens, pour toutes sortes de raisons. Nous avons maintenant une image qui c'est comme Carcassonne. C'est-à-dire que on détruit Carcassonne. Enfin, on détruit Carcassonne pour le remettre pour dans un état qui ne soit pas celui du Viollet-le-Duc. Vraiment mal. Donc il va falloir recréer les gargouilles qui n'ont pas d'ailleurs été détruites et dont on sait qu'elles n'ont pas grand-chose à voir. Enfin, laissez tranquille les gargouilles. Si on lit le livre de Michael Camille sur les gargouilles de Notre-Dame, elles n'ont pas grand-chose à voir avec effectivement cette histoire. Non, mais elles sont très belles aussi. Oui, voilà, c'est bien sûr. Anaïs Kien. Mais cette question de l'identique, pour prendre un exemple lié à Notre-Dame, Lorraine Maillot, il y a quelque chose d'intéressant parce que dans les journaux, donc il y a eu des sondages, mais il y a aussi eu aussi on a lancé des sujets de débat dans la presse et dans les médias, notamment sur cette charpente donc, qui était en bois, en émettant l'hypothèse de la faire en béton, peut-être plus solide et plus sûre, pour tout un tas de considérations. Et là aussi, on a vu une levée de bouclier très, très forte, parce que l'identique, c'est l'identique. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, à croire qu'il faudrait retrouver Défi impossible, une forêt du XIIe siècle à débiter et à transformer en charpente. Finalement, on a une relation de vénération, de relique à ces objets lorsqu'ils ont cette puissance symbolique telle que Notre-Dame peut l'avoir, Lorraine Maillot. En effet, c'est plutôt du domaine du fantasme, je dirais, puisque l'on sait déjà que certaines cathédrales, et je prendrai juste l'exemple de la cathédrale de Reims, qui a été détruite pendant la Première Guerre mondiale. De multiples fois en quelques années. Et qui a une charpente en béton. Donc, franchement, rien de nouveau sous le soleil. Qu'on ne voit pas. Hein. Qu'on ne voit pas. Bien sûr, une charpente, ça se voit rarement. Enfin, sauf pour les techniciens qui veulent les visiter. Mais de l'extérieur, personne ne sait que la charpente est en béton. Donc, enfin, pour moi, c'est typiquement un faux débat sur lequel on va vouloir se focaliser. Mais l'essentiel n'est certainement pas à cet endroit-là. L'identique absolue, en tout cas. Oui, c'est déjà trop tard, d'une certaine façon, puisque tout le monde s'en est mêlé. Ça va être difficile de démêler tous ces fils, Guillaume Blanc. Moi, je crois... effectivement, c'est une banalité, mais je crois que là, on voit bien sur les débats, enfin, l'excessivité des débats sur Notre-Dame, que finalement, le patrimoine interroge notre rapport au temps. Là encore, c'est une banalité à dire, mais le patrimoine, en tant qu'il est conservé par un État... C'est-à-dire, c'est l'espace public, c'est ce qui était avant nous et ce qui sera là après nous. C'est d'où la nécessité qu'il soit visible, qu'il soit rendu public, puisque là encore, ça rassure. Et pour celles et ceux qui étudient le patrimoine, ça nous invite à interroger véritablement le contexte politique dans lequel on parle de patrimoine. Ouais. Que ça soit le vandalisme. De quoi a-t-on peur? Voilà. Et que ça soit le vandalisme en 1800, après 1800, avec l'abbé Grégoire, ou aujourd'hui, sans du tout rentrer dans une controverse, hein, mais face au contexte politique aujourd'hui, où, surtout le samedi, des gens peuvent contester le présent et le futur qu'ils ne veulent pas avoir, ou qu'ils craignent d'avoir, cette sur-focale, ou cette sur-réflexion sur le passé, interroge vraiment l'état de notre société, oui, finalement. Et ça permet effectivement de reciter, comme on l'a fait déjà plusieurs fois dans cette semaine, de reciter François Hartog, le présentisme, la question de à quoi sert un passé pour pouvoir envisager l'avenir. Merci à tous les trois. Merci à vous, Lorraine Maillot, d'être venue. Je rappelle que vous êtes responsable de la question du patrimoine, de la restauration du C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, qui est situé à l'intérieur du Louvre, mais qui n'appartient pas à ce beau bâtiment, à cette belle institution qui est le Louvre, puisque vous travaillez pour tous les musées, en l'occurrence. Guillaume Blanc, vous êtes maître de conférence à Rennes 2 et vous êtes auteur d'une thèse qu'on peut trouver donc dans la collection des publications des éditions de la Sorbonne, qui s'intitule Une histoire environnementale de la nation sur les parcs nationaux du Canada, d'Éthiopie et de France, mais aussi vous avez co-dirigé les humanités environnementales, toujours aux éditions de la Sorbonne. Et pour votre part, Dominique Poulot, vous êtes historien du patrimoine et des musées et vous êtes auteur d'une histoire du patrimoine en Occident. Et très bientôt, on va republier à la documentation française les musées en Europe. On terminera demain notre série sur le patrimoine avec vous, Anaïs Quien, et on va s'interroger sur la question du patrimoine industriel. Oui, avec Anne Fleury, nous sommes allés à Dunkerque, où se tient la première édition de la triennale d'art contemporain Gigantisme, qui interroge cette identité, cette histoire dunkerquoise. Dunkerque, c'est une des grandes vitrines de ces nouvelles matières de construction et matières industrielles d'après-guerre. Le charbon, l'acier, qui sont devenus le fondement d'ailleurs de la première Union européenne. Et donc nous avons rencontré les commissaires de cette exposition qui interrogent l'identité et l'histoire de la ville à travers ce patrimoine industriel non muséifié. D'ailleurs, tout n'est pas muséifié évidemment à Dunkerque, notamment je pense au port industriel. Et à leur côté, nous nous sommes promenés sur les multiples espaces d'exposition artificiels ou déjà présents avant même l'intervention de Gigantisme sur les sites de Dunkerque. Oui, parce qu'il faut dire que pour des grandes pièces d'art contemporain, eh bien, c'est un très bel endroit que d'avoir ces anciens bâtiments industriels qui ont des dimensions gigantesques. Ici, nous sommes dans la Halle P2. Donc la halle d'origine, l'atelier de préfabrication numéro 2 où étaient construits les plus grands navires, les plus grands paquebots, tous ces énormes bateaux. C'est un très grand volume qui mesure 35 mètres de haut. On se sent tout petit à l'intérieur. La halle P2, on l'appelle aussi la cathédrale. Et c'est vrai que dès le départ, les architectes Lacaton et Vassal imaginaient que ce soit aussi un espace habité, un espace de vie, un espace d'événement. gigantisme, c'est l'occasion de faire travailler à nouveau des artistes avec des matières premières qui s'inscrivent aussi dans l'histoire de Dunkerque. On a ici voulu mettre en avant différents matériaux, l'acier Corten par exemple, en invitant Bernard Venet qui utilise ces énormes barres de métal sous la forme d'un effondrement, une sorte d'enchevêtrement qui a ce double mouvement comme ça d'ascension et de chute. Donc le bâtiment du FRAC, le nouveau bâtiment en fait, est lui construit dans des matériaux industriels qu'on utilise aussi dans l'agriculture, en fait, dans les serres industrielles. Donc ce sont des matériaux assez légers, des matériaux assez translucides et qui sont toujours dans ce vocabulaire lié à l'industrie. D'ici au dernier étage, on a une vue incroyable hein, vers la Belgique. On voit ici toute la mer du Nord et en face de nous la plage de Malo-les-Bains. Ce sont les plus grands porte-containers du monde qui viennent et qui croisent. Donc on a aussi une vision d'un paysage en mouvement, l'espace du port industriel de Dunkerque. Voilà donc pour ce documentaire qu'on pourra entendre demain en conclusion de notre série d'émissions donc dans la Fabrique de l'Histoire autour du patrimoine et de son histoire, un documentaire sur le patrimoine industriel dans une ville comme Dunkerque que vous avez réalisé, donc documentaire Anaïs Quien et Anne Fleury. C'est demain dans la Fabrique de l'Histoire entre 9h05 et 10h. Entre-temps, vous pouvez écouter ou réécouter les émissions de la Fabrique de l'Histoire, l'émission d'aujourd'hui, évidemment, autour de cette question de la conservation, mais toutes les autres sur le site de France Culture, franceculture.fr. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Alexandre Dangue était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez discuter avec nous sur le groupe Facebook, eh bien, c'est le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Et puis, si vous voulez nous suivre sur Twitter, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.